mon Charlie Tango. Pour mon portrait, j'ai des zéros. Des zéros pour éviter des cadeaux. Tenir un chapeau, c'est pas bon. Pour adorer les parfums du blouson. Des gens qui devraient être en prison. Oh, je devrais peut-être mener une enquête. Oh yeah! Ça fonctionne! Que en bas. Oh oui.